sens tes palpitations légères. J'abandonne les casernes de la guerre et nous sortons sous un ciel chargé de nuages sur un pont célèbre fait de pierres anciennes. Les vitrines reflètent nos ombres fugitives parmi des hordes de saltimbanques ou mendiants. Nous usons notre idylle dans des magasins avec un salaire qui nous relègue au chemin. Au crépuscule, nous cherchons des auberges où inlassablement nous partageons des délices. À minuit, tu me supplies de rentrer quand je sens que la nuit ne fait que commencer. Je te ramène et ta mère pleine d'amertume me reproche de t'éloigner de son ombre. Je jure que cela ne se reproduira plus, mais découvre que j'ai déjà trahi ce serment. Tu devines mon poulard, mon souffle éteint. Sur un banc tu berces doucement mes cheveux. J'enfouis mes sandales dans le sable profond et me repose sur ton champ rude et chaud. J'ignorais ton origine, toi mon destin, mais ce bonheur passé s'efface dans l'oubli. De retour chez moi, je respire l'air que tu laisses passer.